Soso mwen pa mande ho, ni lò ni la richesse. Soso mwen pa mande ho, ni lò ni la fortune. Soso mwen pa mande ho, ane ou be pa ban mwen. Salvite mwen ka mande ho, ke ban mwen yon amitié sincère. Répond. Soso mwen pa mande ho, aïe aïe aïe, ni lò ni la richesse. Tiens bé. Soso mwen pa mande ho, mwen mêle, ni lò ni la fortune. Mwen mêle. Soso mwen pa mande ho. Ayo be pa ban mwen, sa bi de mwen ka mande ou, ke ban mwen yon l'amitié se se ou. Ah, tambouye konye kala, an ka mande yon bel repou. Yade yon banjo gita, se pou mwen ba sot baba, soso kous wala. Soso mwen pa mande ou, ni lò ni la richè. Tembe. Soso mwen pa mande ou, ni lè konta, ni lò ni la fortune. Ay ay ay. Soso mwen pa mande ou, ayo be pa ban mwen. Amadeu, salão, whisky.